Père, nous te sommes reconnaissants. Merci, Père de gloire, pour cette maison qui nous accueille ici à Neuchâtel. C'est Neuchâtel, c'est ça? Neuchâtel, en Suisse. Je prie, Père de gloire, que tu bénisses cette maison, que tu bénisses, ô Dieu de gloire, tous ceux qui y entrent et tous ceux qui y sortent. Bénisse, ô Dieu de gloire, l'amour de cette maison et que ça soit, ou cette maison soit toujours sous ton regard. Daigne, ô Dieu de gloire, regarder à leur cœur, à tous ceux qui sont ici, à tous ceux de Neuchâtel également. Je prie, Père de gloire, que tu te souviennes de tes enfants dans cette ville. Que tu te souviens, ô Dieu de gloire, de ta pluie et l'onction qui a coulé dans ce pays, la Suisse. Merci pour tous ceux de tes enfants qui sont ici en Suisse et qui crient vers toi. Et que tu as entendu leurs cris. Et tu es descendu vers eux en cette saison. Je te remercie, Père de gloire, pour ce moment particulier que tu nous donnes de partager dans cette maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prenons Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13. Comme vous avez noté, je vais vous donner au fur et à mesure des passages. Luc chapitre 13. Après avoir lu Luc, si nous allons aller vers dans Luc des Actes des Apôtres. Luc chapitre 13. Et à tout moment, vous pouvez m'interrompre pour demander, pour poser des questions. Luc chapitre 13, je vais lire à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es quoi ? Délivrée de ton infirmité. » Souligner délivré de ton infirmité. Donc le Seigneur Jésus lui dit donc, à partir d'aujourd'hui, donc, tu es libéré de ce fardeau, de ce qui t'attachait. Son infirmité était le fait qu'il était courbé. Mais une révélation lui sera donnée par Jésus lui-même. Il est le Créateur qui donne les dons et qui discerne, il sait exactement ce qu'il en est. Ce qui est là, d'abord, premièrement, c'est qu'il n'a pas créé cette femme comme ça. Le renseignement nous dit ici que cette femme était courbée, ça la rendait infirme depuis 18 ans. Il y en a beaucoup de ramifications qu'on va arriver là-bas. La Bible déclare, il lui imposa les mains à l'instant, elle se redressa. Et glorifia Dieu, à l'instant, elle se redressa. Donc, ça veut dire qu'elle a pris la condition initiale, la forme initiale que Dieu lui avait faite. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là. Et non pas le jour du sabbat. Ça pose problème. Vous voyez, on voit effectivement le chef religieux qui manque de compassion. Ah, c'est un. De deux, il dit qu'il y a 6 jours pendant la semaine, qu'on laisse le samedi tranquillement, on ne vient pas se faire guérir. Or, on nous a donné le renseignement que ça faisait 18 ans que cette femme était ainsi. Il y en avait 6 jours par semaine, 6 jours par semaine, 52 semaines, une fois, 52 semaines, deux fois, jusqu'à 18 fois, 52 semaines. Qu'elle a été là-bas, chaque fois avec eux, on n'a pas résolu son problème. Mais pour une fois qu'on a résolu son problème, la jalousie est entrée en scène. Or, cette personne qui est chef religieux, quand cette femme-là venait le jour de sabbat et là-bas, elle donnait ses dîmes, ses offrandes, il prenait. Donc, on peut manger tes offrandes, mais on ne peut pas être compatible à ta peine. C'est ce que les pasteurs font aujourd'hui. Ils peuvent te vendre ces livres, 5 000, 10 000, tu vas prier, ta tête va chauffer, ça ne marchera pas. Mais tu n'as pas la guérison que tu as de donner parce qu'en réalité, on n'achète pas cela. Alors, cet homme-là dit qu'il y a 6 jours pendant la semaine, venez vous guérir ces jours-là. La question c'est, il savait qu'il y avait 6 jours pendant la semaine où les gens pouvaient se venir se guérir. Pourquoi donc pendant les 18 ans, il n'avait pas pu faire cela? Alors, plusieurs choses nous viennent ici. Le devoir religieux, accomplir ce devoir religieux n'empêche pas le démon d'habiter le corps. Accomplir ce devoir religieux. La femme était où? Dans le synagogue, le jour du sabbat. Et elle respectait comme ça le sabbat, le repos. Donc, quand elle s'est reposée avec le démon. Pensez-y. Quand elle allait dire, oh Yahweh, le Dieu d'Israël, le Dieu d'ici, elle disait ça avec le démon. Puisqu'elle s'est courbée, elle se mettait à genoux, elle se mettait à genoux avec le démon. Donc, elle portait le démon pour aller adorer le vrai Dieu ensemble. Pensez-y. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. On va voir tout à l'heure. Alors, le Seigneur dit que tu es délivré de ton infirmité. Après, il lui impose la main et se redresse. Maintenant, comprenons. Verset suivant, verset 15 nous dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur, Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, vous avez vu ça? Qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, vous avez vu ça? Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? On va rester sur ces versets, on va parler beaucoup de choses. Première chose, la notion d'enfant d'Abraham. Deuxième chose, c'est Satan qui le tient lié. Le nombre d'années importe, pour que deux personnes, c'est 18 ans, pour d'autres, c'est 38 ans, pour d'autres, c'est 40 ans. Dans la Bible, ça varie. Maintenant, il parle de délivrer de la chaîne. Donc, les gens peuvent porter de la chaîne, être liés par Satan, mais marcher avec les deux pieds, allant au culte. Et quoi, c'est la Bible qui nous enseigne là maintenant. On dit qu'elle est liée, mais physiquement parlant, elle a une pseudo-liberté. Parce que lorsqu'on voit la chèvre ou le mouton attaché quelque part, on voit une corde qui l'attache et il l'attache à un point fixe qui lui donne un périmètre de ne pas pouvoir agir. Lorsqu'on voit ces choses physiquement, on devait comprendre qu'il y a l'implication spirituelle. Le Saint-Esprit qui dit que cette femme s'est liée avec une chaîne. Donc cette femme-ci n'est pas libre totalement de ses mouvements comme Dieu lui en a accordé. Or, la chaîne dont le Saint-Esprit parle n'est pas physique, n'est pas visible, c'est spirituel. Donc, cette femme, c'est un fardeau, une chaîne qui la tenait liée avec le monde des ténèbres. Beaucoup sont comme ça, dans la limitation des fonctions, limitation des progrès. Limitation, tu veux faire n'importe quoi, tu tournes en rond. D'autres tournent en rond comme ça et tu te rends compte que finalement, tu vois que lorsque tu montes jusqu'à un certain cran en voyant, quelque chose arrive. C'est le signe qu'il faut la délivrance. C'est le signe qu'il faut la délivrance. Vous allez voir une femme qui rencontre un homme. Tout va bien. Il peut vivre le petit amétisme. Tant que c'est le péché, il n'y a pas de problème. Avancer au niveau du mariage, ça se casse là-bas. Une fois, deux fois, trois fois. Personne ne réfléchit pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, alors qu'il y a problème de délivrance. Et mais le Seigneur qui dit que ne fallait-il pas la délivrer? Il dit de cette chaîne. Cette chaîne, c'est pour la femme si c'était un démon qui la tenait liée et la courbait. Ne me dis pas que quelqu'un va voir une femme qui est courbée comme ça là. On voit plusieurs personnes avec des handicaps. Tu regardes un être, tu me dis, mais comment Dieu a pu faire cet homme-ci? Qu'est-ce que cette personne doit vivre comment avec cet handicap-ci? C'est Satan qui l'a lié. Pour la pousser à ce qu'elle ne vive pas comme les autres vivaient. Imaginez quel soulagement cette femme-ci devrait avoir. Quelqu'un qui est courbé depuis 18 ans. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est délivré, vous entendez un ouf de soulagement. La personne dit, je suis léger. Il sent comme si un poids était sur moi. Donc tu portes comme ça un démon qui a prêté la taille. Quand il met le pied sur la terre, ta tête peut être au niveau du soleil. D'autres personnes portent comme ça 6 000 dans la Bible. Tu portes 6 000 poids comme ça sur toi. Si un démon pèse 40 kilos, tu portes 40 kilos fois 6 000 dans ton petit corps. Et toi, tu pèses maximum 120 kilos. Voilà comment nous souffrons. Vous voyez, une femme, elle avance. Beaucoup de femmes font des fausses couches à répétition. Ils ne se posent pas la question, qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie? Que pourquoi? Dieu a dit qu'après la conception, 9 mois, on doit accoucher, on doit enfanter. D'autres, dans la famille, on observe que ce sont des gens qui n'accouchent pas du tout. Les femmes ne vont pas à mariage, on ne se pose pas la question, qu'est-ce qui ne va pas? Alors je résume d'abord, avant d'avancer. Accomplir les devoirs religieux n'empêche pas le démon d'avancer. Être dans un culte où il y a l'onction, où on célèbre, on chante, on crie, n'empêche pas le démon de venir célébrer avec toi. Il loue même plus que toi. Nous sommes d'accord? Judas était à côté de Jésus. Ils chantaient des cantiques ensemble à la chambre haute. Alors, lorsqu'ils ont chanté le cantique ces jours-là, ils chantaient le cantique d'ordinaire, ils allaient dans les nuits de prière, Jésus. Ils marchaient partout, ils prêchaient l'évangile. Judas l'aidait même à prêcher. Mais c'était un démon. Il faut donc qu'on cherche la délivrance. J'avance. Maintenant, autre chose, maintenant, est donné dans ce verset 16-ci. Le Seigneur, jusqu'à ouvre sa bouche, il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié, ce genre de verset est bouleversant. C'est quoi ou bien c'est qui une fille d'Abraham? Allons dans la Bible, sondons la Bible, allons dans le livre de Galates. Galates. Galates, vous y êtes, n'est-ce pas? Chapitre 3. 3. Il veut dire à partir du verset 13. Regardez où va l'esprit que nous avons commencé au verset, dans Luc chapitre 13, verset 10. On est le verset 10 jusqu'au verset 16. Maintenant, verset 13 de Galates 3 nous dit, Christ, vous avez trouvé, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Afin que, parce qu'en français, c'est une parenthèse, on dit qu'il nous a racheté de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Voici ce que j'entends. Il dit, voici ce qu'il veut dire. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse, parce que Dieu a fait la promesse à Abraham et à sa postérité. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham, ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? La loi de l'Ancien Testament, comme il a dit. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Il y avait une promesse qui a été donnée. Il a vu que les transgressions étaient données. Maintenant, il a donné la loi pour canaliser, pour protéger la promesse, afin que le moment de la promesse se manifeste. Il dit pourquoi la, il dit, la, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la loi, la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sur ces pédagogues. Écoutez, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni femme, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Christ. Écoutez, et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est là le verset 20. Galates chapitre 3. Ça pose un vrai problème. Le Seigneur Jésus-Christ définit cette femme de Luc chapitre 13, verset 10 à 16, comme étant cette fille d'Abraham. Qu'est-ce qu'il va appeler par fille d'Abraham? Je suis arrivé quelque part parce qu'on va toucher le Nouveau Testament tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a appelé par fille d'Abraham? L'apôtre Paul arrive ici, il explique que ceux qui sont à Christ, c'est celles dont à qui la postérité, la promesse avait été donnée. On les appelle donc les enfants d'Abraham. On appelle ça les enfants d'Abraham, la postérité d'Abraham. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ en est de parler dans une synagogue. Tous ceux qui sont là sont des descendants d'Israël. Et par conséquent, les descendants d'Abraham. Mais il appelle cette femme particulièrement et cette fille d'Abraham. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il y a des peuples suifs, les gens des Suisses qui sont ici, tout le monde. On dit que, pourquoi ne pas accorder la délivrance à cet enfant qui est enfant des Suisses? Comment tu peux dire enfant des Suisses? Dans ce cas, ceux-ci sont cons. Alors, ça veut dire que la connotation qu'il a dit d'utiliser par fille d'Abraham n'est pas l'enfant selon la chair. Parce que tous là devant lui sont les enfants d'Abraham. Mais ici, il dit fils d'Abraham. Et on a nous expliqué que, en fait, ce sont les gens à qui la promesse avait été faite. Ceux qui appartiennent à Christ. Donc, ce n'est pas n'importe qui est enfant d'Abraham. Tu vois cela? C'est un groupe particulier. La personne à qui le don de grâce est donné. Maintenant, la question maintenant, c'est comment cette fille d'Abraham-ci est possédée par le diable? C'est pour ça que Satan n'attaque pas, il n'attaque personne. Il connaît ce qui la marque est donnée. Ce que tu nous as dit tout à l'heure. Voilà. Il n'attaque pas quelqu'un. Remarquez très bien, voilà le juif, le chef de la synagogue qui est dans l'iniquité. Parce que le simple fait qu'il s'agit, Jésus l'a appelé hypocrite. Donc il vit dans l'hypocrisie totale. Mais Jésus ne le délivre pas de l'hypocrisie. Il se tourne vers la fille d'Abraham, il délivre et qui dit pas, il est celui-ci. Et ils sont dans les chefs, ils sont les chefs religieux. Il ne les délivre pas. Les chefs de la synagogue qui ne connaissaient pas la vie, qui ne connaissaient pas qui était Jésus, ils passent le temps à poser la question à Jésus. Dis-nous qui tu es. Il ne dit pas. Il va vers une prostituée en Samaritain. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Oui, il voit le problème. Il dit, les pharisiens se réunissent. Il suffisait que, normalement, si on est des êtres humains, on doit dire, oh, pourquoi Jésus a fait ça? Il fallait qu'il dise ça aux pharisiens clairement, comme ça ils comprennent. Comme ça, comme ceux qui dirigent plusieurs personnes, ça devait lui faciliter la tâche. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, ni le Fils si ce n'est le Père, ou celui à qui le Fils veut le révéler. S'il veut te révéler, il te dit qui est, qui il est. S'il ne veut pas, tu vas t'embrouiller dans tout genre d'études, tu ne le connaîtras pas. Alors voici donc un groupe de personnes qui sortent d'une personne physique appelée Abraham. Ils sont sortis comme ça. Ils sont nombreux là, devant le Seigneur Jésus. Parmi elles, il y a une personne. Il appelle celui-ci enfant d'Abraham. Pourtant, naturellement, tous descendent d'Abraham. Donc, il y a descendant d'Abraham physique et il y a descendant d'Abraham selon la promesse. Et si tu n'es pas descendant d'Abraham selon la promesse comme ça, tu n'appartiens pas à Jésus. Et si tu es descendant d'Abraham selon la promesse, Satan t'attaquera. Voilà. Il t'attaquera à coup sûr. Parce que le but, c'est de faire mal au cœur de Dieu. Mais c'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu. Il est venu pour restaurer les sentiers détruits, pour libérer les captifs, pour amener ses enfants à lui. Je veux que vous regardiez la terminologie. Et celle-ci aussi, cette fille d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 ans. Elle est enfant d'Abraham. Elle est née enfant d'Abraham, fille d'Abraham. Pourquoi Dieu peut-il permettre qu'elle soit liée pendant 18 ans? Pourquoi? Vous voyez cela? Donc il y a un but pour cela, pour que ses œuvres soient manifestes, pour que son nom soit glorifié. Allons-y dans le livre des Actes des Apôtres maintenant. Donc maintenant, je vais partager sur le sujet qui veut être délivré. Qui veut être délivré. Galates chapitre 26. J'ai dit Actes des Apôtres, d'accord? Actes des Apôtres chapitre 26. J'espère que plus on en est d'avancé, plus vous gardez ce qu'on a dit derrière dans votre cœur. Actes des Apôtres chapitre 26. Qui a besoin, qui veut être délivré? Lorsqu'on expérimente quelque chose qui est à répétition dans nos vies, vous devez poser la question autrement. Lorsque il y a des gens qui ont des maux de tête, des cinq styles de maux dans leur vie, qui vont du côté médical. Enfin, il y a des choses que la médication ne peut même pas détecter. Vous voyez, vous observez quelque chose qui se fait de façon répétitive, inexplicable. Vous avez besoin de délivrance. Quand vous dormez, vous rêvez constamment les animaux. Vous rêvez constamment de l'eau, des montagnes qui sont devant vous, que vous ne pouvez même pas marcher, les obstacles, la peur. Vous avez besoin de délivrance. C'est le signe que Dieu vous montre que vous avez besoin de délivrance. Il y a déjà deux personnes qui dorment dans un lit. Tu vois effectivement que c'est comme si tu allais tomber dans un profond et puis tu te lèves avec la sueur. C'est la délivrance. Quelqu'un se lève et dit, ah non, j'ai fait un cauchemar. Et la répercussion est dans la vie. Le signe qui se passe dans la délivrance, parce que les gens ne réfléchissent pas. Le signe dans la délivrance, ça se passe dans la vie. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci. Et merci de nous avoir accueillis dans cette maison à Neuchâtel, c'est pas vrai. Bon, dans cet acte chapitre 26, l'apôtre Paul est arrêté. On le présente devant le roi. Il va présenter ses argumentations. Et dans ses argumentations, il va leur expliquer comment il était dans la foule au milieu de ces mêmes personnes qui le présentent aujourd'hui comme un brigand, comme celui qui sème le trouble. Alors, dans sa pièce justificative, il va commencer à dire quelque chose à partir du verset 9. À partir du verset 9, on y va. Il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Donc, c'est quand il persécutait l'Église. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Vous les voyez, non? Et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans la ville étrangère. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin, resplendit autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et te serait dû de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis, écoutez très attentivement, verset 16, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Jésus-Christ promet à l'apôtre qu'il va lui apparaître. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Il dit qu'il y a cette déclaration fracassante dans la Bible. Je pose la question. Les gens dont Jésus en a parlé, leurs yeux sont fermés. Les yeux physiques que nous avons là, c'est fermé. Donc, en dehors des yeux que nous avons là, il faut d'autres styles d'œil pour comprendre certaines choses et voir certaines autres choses. Il dit afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, virgule, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Lui dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Amen. Amen. Jésus, notre Seigneur, nous apprend encore beaucoup de choses ici. Ça veut donc dire que si quelqu'un n'est pas envoyé vers toi pour te prêcher ce que le ciel a décidé, sois intelligent comme tu es quand même sous la coupe des diables. Il te faut la délivrance. Ça veut donc dire tu peux voir autant de lumière que tu as, éclairer ta cour, ta lumière, n'importe où, mettre la climatisation à la maison. Tant que l'évangile prêché venant du ciel par le Saint-Esprit ne t'a pas donné pour t'éclairer, tu es dans les ténèbres. C'est ce qui est écrit là-bas. Il dit, je t'envoie vers le milieu de ce peuple et du milieu des païens. Et le peuple dont le Saint-Esprit lui parle, les voilà devant lui en train de l'accuser. Le fait qu'ils sont en train de l'accuser, on l'accuse en disant qu'il excite la foule à marcher contre la loi de Moïse, à être désordonné, montre clairement qu'ils sont dans les ténèbres. Parce que pour eux, ils servent Dieu. Et Jésus avait dit dans Jean chapitre 16, verset 2, que l'heure vient même où ils vous chasseront de leur synagogue, et l'heure même vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils disent là, à Dieu ne plaise. Auteur de cet homme, le nom c'est blasphème. Et Jésus lui-même était là, ils avaient dit qu'on le tue. Parce qu'il fait contre Dieu. Et il faisait comme ça, c'est eux qui étaient dans les ténèbres. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Seigneur Jésus nous révèle que tant que l'homme n'a pas reçu la lumière du ciel, Satan l'a captivé. Il lui faut la délivrance. Et donc, l'apôtre Paul a pour mission de les faire quitter des ténèbres à la lumière et de la puissance. Il veut que vous remarquiez. Et de la puissance du Satan à Dieu. Quelle mission? Les faire quitter de la puissance du Satan à Dieu. Alors, la question c'est comment Satan tient-il les gens sous sa puissance? Oui, il n'y a pas quelque chose qui s'inquiète à toi physiquement pour te maintenir là-bas, puisqu'il a dit de leur ouvrir les yeux. Donc, il faut que le Saint-Esprit parle à nos cœurs maintenant, que pendant qu'on est en train de prêcher et qu'on est en train d'écouter maintenant, que le Saint-Esprit dirige nos cœurs, les yeux de nos cœurs, vers nos vies, notre intimité, notre vie cachée, ce qui est dans notre cœur, pour que nous regardions exactement, pour savoir si nous étions dans la lumière ou pas. Quand les choses anormales nous arrivent, nous savons que ça, c'est anormal. Ce n'est pas normal que ces choses nous arrivent. Ça veut dire que nous avons besoin de la délivrance. On a besoin de la délivrance. Vous voyez, les gens jeûnent, jeûnent. Il y a des gens même qui jeûnent. C'est le jour même de son jeûne. Quand il finit son jeûne, que la même chose recommence. Il y a des gens qui sont les couches de nuit. Il a les couches de nuit jusqu'à dire, je suis fatigué. Et puis, comment ça m'arrive? Le jour même, quand il commence le programme de jeûne, c'est là où ça arrive. Pour montrer qu'il a besoin de délivrance. Les gens souffrent dans le monde. Père, je prie, Dieu de gloire, que tu délivres tes enfants. Je prie, Seigneur, que tu accordes la repentance et que tu accordes la lumière à tes enfants afin qu'ils puissent voir exactement où ils se retrouvent en ce moment. Pour tous ceux, oh Dieu de gloire, de cette ville, de ce pays, la Suisse, et pour tous ceux qui sont dans le monde entier, Père, je prie pour tes enfants qui souffrent, pour ces fils et filles d'Abraham, Père de gloire, qui ont besoin de toi. Je prie que tu leur révèles la vérité de ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, un autre verset de Luc nous interpelle. Le verset biblique le plus célèbre des chrétiens évangéliques, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Lisons cela. Je crois qu'on a fini avec les apôtres et nous avons compris qu'on peut être dans les ténèbres et sous la puissance de Satan. Mais il faut quand même qu'on passe, on va vers Dieu. 2 Corinthiens. Tu aimes ça, n'est-ce pas, frère? Vous aimez ça, pas vrai? Que Dieu vous bénisse, vous n'êtes pas les seuls. Enfin, j'avais noté, j'avais juste noté ça. Le 5. Oui, 5, 17. 2 Corinthiens au chapitre 5. Alors, on va lire, on va se poser des questions. On va revenir sur ça peut-être lorsqu'on sera à Genève, ou bien à Paris, ou bien N'importe où que le Seigneur va, parce qu'on va développer, il y en a, c'est profond. On peut passer 4 heures de temps à prêcher ce verset. Si Gignon est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous avez vu ça? C'est qui Gignon chez vous? Non. C'est qui, moi? C'est toi? C'est quelqu'un, donc ça peut être n'importe qui. Ok. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Soulignez toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. On va s'arrêter et on va poser des questions. Ça, ce que je viens de faire, c'est je viens de lire ça dans ma Bible. Vous avez la même chose dans votre Bible. Mm-hmm. Chacun qui a sa Bible a la même chose. Si un sataniste prend ça, il lit, il a la même chose devant lui. Yo. Satan lui-même, s'il prend ça, il a la même chose devant lui. Et si Satan, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Malgré qu'il va réciter ça 400 000 fois, Satan ne changera pas rien, il sera nouvelle pour lui. Nous sommes d'accord. Mm-hmm. Si c'est le sorcier qui le fait, quel qu'en soit ce qu'il va réciter, rien ne sera nouvelle pour lui. Alors la question c'est quel est le problème dans ce verset? C'est le problème d'être en Christ. Parce qu'il a dit si, la condition, si tu es en Christ, mm-hmm. voici l'indication. Si tu es en Christ, voici les choses qui doivent se passer. Il a dit toutes choses anciennes sont passées. Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. En anglais on dit behold. Voici toutes choses. Donc la présentation que nous avons devant nous, la réalité que nous avons devant nous, c'est que les choses anciennes ont disparu. Maintenant, la question pour montrer qu'on a besoin de délivrance, c'est observons notre style de vie et le style des choses qui nous arrivaient dans le spirituel qui impliquait dans notre physique avant que nous nous confessions d'être chrétiens. Est-ce qu'après notre confession du christianisme, ça a changé? Si c'est non, le verset 6 n'est pas vrai pour nous. Il y a un problème. On doit quitter de la puissance des ténèbres vers la lumière. Mm-hmm. Nous sommes d'accord? Mm-hmm. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui lisent là, ils confessent comme ça, ils ont les démons qui les poursuivent. Les chrétiens lisent là, ils confessent comme ça, les couches de nuit. Les chrétiens qui lisent là, ils confessent comme ça, même chose, les angoisses. Il n'y a pas la paix sur le cœur, malgré qu'ils lisent comme ça. On peut lire comme ça dans les assemblées, comme on est là en groupe. On fait, on a la sensation là-bas, mais quand tu rentres dans ta réalité, la réalité te rattrape dans ton cœur, tu sais que ce n'est pas vrai. Il faut quelque chose d'autre. Soit réel. Il faut vraiment qu'on soit en Christ. Et là maintenant, c'est quoi donc être en Christ? C'est la question. Entouré en Christ. Donc, si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. La conséquence, c'est que je suis une nouvelle créature. Et puis, la chose naturelle, c'est que les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que ce que j'ai expérimenté de façon perpétuelle, spirituellement, sont passées. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça suppose qu'on fonctionne avec une toute autre façon. Toute autre façon maintenant. Il y a une autre personne seulement qui règne sur nous. C'est pour ça que dans Colossiens, au chapitre 1, verset 12 à 13, il dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et là, dans le chapitre 26, nous avons lu verset 16, le Seigneur qui dit que, et qui reçoivent par la foi en moi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Maintenant, ça c'est à ceux qui doivent quitter les puissances des ténèbres pour la lumière. Mm-hmm. L'apôtre Paul dit plus tard dans Colosse que rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable. Donc si ce n'est pas Dieu qui le fait, oublie. Ah ouais. Tu es dans les ténèbres. Mm-hmm. Lisant, tu peux lire tous les livres de l'onction, tous les livres de renversement. Tu finis de renverser. En fait, si tu es dans la prison, si tu es dans une cellule de prison de 4 mètres sur 4, et que tu dis que par le feu, je sors de la prison. Quand tu vas fermer tes yeux en faisant des bruits, quand tu ouvres les yeux, tu vas voir que la réalité est devant toi. Les gris sont devant là. Mais l'apôtre Pierre, quand il était en prison, dans Actes chapitre 12, il s'est résilié à s'abandonner entre les mains de Dieu. Il était couché là. L'église à l'extérieur, nécessite d'adresser pour lui des prières. Et cette prière sont montées à Dieu. Dieu envoie l'ange que va lui ouvrir la prison. L'apôtre Pierre avait l'onction qui pouvait frapper les gens d'aveuglement. Son ombre pouvait détruire. Pas vrai? Mais il était en prison. Il était en prison physique là. Il ne pouvait pas sortir. Mm-hmm. Pourtant, il disparaissait. Nous sommes d'accord. Mm-hmm. Nous avons besoin de délivrer. Qui veut être délivré? Wow. Qui doit être délivré? Mm-hmm. On a besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Ouais. Sans ça, vous ne marcherez moi, pas. Moi, je suis. Mm-hmm. C'est ça que j'ai besoin, vraiment. Mm-hmm. C'est ce que tu as dit là. Je vis ça tous les jours. Dieu nous a envoyé ici, donc, pour cela. Il faut que les choses changent. Il faut que quand tu dis, je suis une nouvelle créature, tu sais exactement de quoi tu es en train de parler. C'est qu'on est conscient, mais on cherche, on cherche. Les chaînes, mais les chaînes on sont est dans les ténèbres, comme tu as dit là. C'est pas ce qu'il a dit, c'est pas la parole qu'il a dit. La parole qu'il a dit, dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse? La délivrance. Donc, chaque personne, normalement, doit rechercher la délivrance. Sinon, tu marches. Comme ces jeunes filles que vous avez vues là-bas, tu marches. Ah, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Satan dit, je t'attends, trouve un mari, tu vois. Tu as entendu ce que je t'ai dit aujourd'hui? Que si elle est en prison, c'est que je suis en prison. Oui. Si je suis en prison, c'est qu'elle est en prison. Et on marche dans les ténèbres. Alors, je suis là maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour que les ténèbres cessent. Amen. Alors, vous avez remarqué que je lis avec ma Bible simplement là. Et ouvrons Ésaïe. C'est ça, c'est ça. Livre pour. Donc, le Seigneur nous a envoyé en Europe pour que les gens qui crient à lui soient délivrés. Ah, ça, il a entendu. L'une des choses qui font que les gens soient attachés. Vous remarquez très bien que le Seigneur a dit tout à l'heure à l'apôtre Paul qu'il délivre, que sa mission est destinée au milieu de ce peuple, c'est-à-dire les Juifs, puis les païens. Si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous allez remarquer que les grâces de Dieu ne sont pas achetables. Lorsque vous allez dans quelque part, on dit donner, semer, acheter ce CD, acheter ce livre, et on conditionne le miracle, ce n'est pas le Dieu de la Bible là. Quelle qu'en soit la personne qui va parler, qu'il soit bon n'importe comment, ce n'est pas la Bible ça. Parce que vous ne verrez nulle part la mission de Jésus, le miracle de Jésus dans la Bible et l'argent de côté. Et le besoin d'argent de côté, vous ne trouvez pas ça nulle part dans le passage biblique. La seule personne qui l'a fait dans chapitre 8, c'est Simon le magicien. Oui, oui. Quand il l'a fait, on a dit que tu es dans un filet, amen. Le diable est sur le coup du diable. Aujourd'hui, le pasteur vient, en faisant, ils ont fait la publicité. Il dépose ses bibles, ses livres là-bas. Il fait présent d'abord, les gens achètent. Déjà même d'autres personnes pour entrer dans la salle, tu es obligé d'acheter le CD. Tu es obligé d'acheter ceci, l'eau pour l'autre. Les gourmettes sanctifiées, on met le nom de Jésus sur ça. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Le Seigneur Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades, malades seront guéris. Donc pour dire en mon nom, faites des bracelets. En écrivant, de toute façon, quand vous mettez Jesus is my savior sur votre bracelet, vous portez la tenue Jesus, I am covered by the blood of Jesus. Tu te couvres avec le démon à l'intérieur. Il faut que le démon soit expulsé. Vous voyez, c'est la vie chrétienne, parce qu'on n'a pas mis la foi dans le Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon, on espère avec les jouets, les amulettes. On prend l'eau, on fait exactement comme les catholiques. On prend le sel, on verse dans la maison. On essaie de réciter, de prier fort, fort. Et Satan joue le jeu avec toi. Tu es un peu dans la caméra, tu dors un peu comme si ça était bien. Oui. Tu crois que ouh, ça a marché. Oui, oui, le lendemain, une semaine après, tu confies. C'est la foudre. Alors, ça veut dire que la puissance du Saint-Esprit a baissé en détente dans la maison, dans le sel, mon frère. Donc, Dieu. Et donc là, Jésus lui dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement. Réellement, ça veut dire que normalement, il y a d'autres délivrances qui ne sont pas réelles. Donc, ça ne vient pas de lui. Si c'est le Fils qui vous a franchi, vous serez réellement libre. Ouais. Le Seigneur, je te dis. Je comprends là. Hein? C'est très profond là. Oui. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc il y a certaines. Puisque tu dis une semaine après, tu espères la même chose. Il y a des semi-libertés. Des semi-libertés. Puisqu'il y avait les sept fils d'Esquiva qui partaient pour imiter les apôtres. Jésus dit en face, a dit vos fils, si ils chassent les démons par Beelzebub, c'est quand vos fils par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos propres juges. Donc il faut qu'on cherche la délivrance. Qui a besoin de délivrance? Qui? Qui? Moi, mon frère. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Ah, quand vous lisez le livre du prophète. On y va. Maintenant, c'est le langage des prophètes, donc on va parler selon ce langage-là. Verset 19 et suivant. On va lire là et puis on va tomber au chapitre 9. On va partir du verset 19 de Ésaïe. Vous êtes non? Si l'on vous dit, nous sommes au verset 19 de Ésaïe 9:8. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Parce que c'est grave. Il faut aller au village, il faut faire les sacrifices au village. Si tu ne pars pas au village, c'est grave. On a vu au village que ta grand-mère t'a attaché, que telle chose passée. Il dit, si on vous dit, consultez ceux qui évoquent le monde et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, qui jettent des courriers au sol, qui donnent l'eau à se laver. Répondez, un peuple ne considère-t-il pas son Dieu? Vous voyez cela? Donc, pourquoi aller consulter ces gens? C'est parce qu'on a des problèmes. Et c'est un problème d'ordre spirituel pour qu'on puisse aller les consulter. Il dit, on doit répondre que, en fait, si j'ai un problème d'ordre spirituel, je dois répondre que non, c'est Dieu qui doit consulter. Il y a un ami qui m'a dit ça, que comme ta vie ne marche pas, je t'envoie au village. Il y a un type là-bas. Oui, il y a un vieux là-bas, un bonbon là-bas. Il te nettoie ça là. La question c'est qu'après avoir été nettoyé là, tu auras une pseudo-liberté comme on a dit. Oui, non. Après ça, quelle est la conséquence? Il dit, répondait, un peuple ne considéra-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il au monde en faveur des vivants? Et puis on dit, à la loi et au témoignage. Vous avez vu, non? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. Donc, ça doit être conformément à la loi de Dieu et conformément au témoignage rendu des Écritures. Si ce n'est pas comme ça, c'est l'obscurité. Il dit qu'il n'y aura pas l'aurore pour le peuple, dont le jour ne doit pas se lever. Et si le jour ne se lève pas pour toi, si le jour ne se lève pas, nous sommes tu es où là? Dans les ténèbres. Et la conséquence, voici donc la conséquence dans la vie physique. Verset 21 dit, il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera. Maudira son roi, que le pauvre a gâté le pays. Il gâte le monde. Les espèces ont gâté le pays. Et puis il va se tourner vers Dieu. Dieu lui-même ne voit pas qu'on souffre. Et tournera vers les yeux. Oui, tournera les yeux. C'est la Bible, là. C'est le langage du prophète. Il tournera vers les yeux. Puis, il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse. Tu ne vas pas ici, c'est le mauvais. Tu vas pas ici, obscurité et sombre nuage. Il sera repoussé dans des pestes ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il allait consulter les marabouts. Et si ce n'est pas selon la loi, selon le témoignage, il n'y aura point d'aurore. On avance, frère. Maintenant, il y a une bonne nouvelle au verset 9. Continuons donc. Le verset 22 finit. T'as bon chapitre 9, d'accord? Puis Dieu promet. Il dit que malgré tout ce que tu as fait comme ça, là, que tu es dans les pestes ténèbres, il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Donc si dans ta vie, tu as expérimenté n'importe quoi, les ténèbres ont fait n'importe quel nombre de temps, quand Dieu décrète, ça change les situations. Mais maintenant, regardez bien attentivement, en prenant en considération ceci, et ce que nous avons lu dans Actes, chapitre 26, où le Seigneur est en train d'envoyer l'apôtre Paul en mission. Lorsque le peuple est dans la gaieté, ils sont avec leur système démocratique pour les uns, le système de Sophia pour les autres, la grecque en ce moment-là, ils croient qu'ils sont dans la vérité. Ils savent qu'ils sont dans la droiture. Mais le renseignement que l'apôtre Paul reçoit des dieux, c'est qu'ils sont dans les ténèbres, il faut aller les délivrer. Malgré leurs connaissances, malgré leurs recherches scientifiques, leurs découvertes, ils sont quand même dans les ténèbres et par conséquent sous la puissance de Satan. Maintenant, ils sont là jusqu'à ce moment-là. Lorsque le décret sort, Dieu veut dire que vous avez votre ténèbre, vous avez eu de temps. Maintenant a lieu la délivrance de ce peuple. Et dans ce peuple-là, la couverture spirituelle de la noirceur, des pestes ténèbres qui les couvrent, se trouve aussi confinée dans cette même couverture les enfants d'Abraham. Il dit, je t'envoie du milieu de ce peuple pour que tu leur ouvres les yeux. Que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Tu es dans les ténèbres, la puissance de Satan est sur toi. Et il a dit dans Saint Luc chapitre 13, qu'on a lu verset 10 à 16 tout à l'heure, que cette femme-ci, cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée. Que Satan tenait lié avec ses chaînes pendant 18 ans. Imaginez. Qui a besoin de délivrance? Qui? Moi. Je pense que les années, je ne sais pas si je les compte, mon frère. Qui a besoin de délivrance? Le vrai problème, c'est que beaucoup sont comme ça sans s'en rendre compte. Et beaucoup s'en souffrent comme ça jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est pour ça que vous voyez effectivement les gens, les gens qui sont à l'angoisse où tu entends que quelqu'un se donne la mort. Moi, je me suis rendu compte depuis un moment. D'autres ont, à l'heure où je suis en parler, il y a des personnes qui ont des pressions au point où ils pensent que la seule solution, c'est de donner la mort, le suicide. Je t'ai dit. Je te demande pas, moi, j'y ai pensé un jour. Que mieux tu te suicides, tu te sais. Parce que quand tu regardes, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Tout le monde te déçoit. Le cœur est brisé. Tu cries à l'aide, Dieu n'est pas là. Quand je l'avais appelé, je me demandais, j'étais mourant. Angoissé. Tombé seul. Angoissé. Enfin, tu amènes la nuit, tu ne manges pas. Habité par, je ne sais pas combien de démons. Ça va changer. Continuons. Mais Dieu fait la promesse ici dans Ésaïe chapitre 9. C'est ça, c'est l'un des versets que j'aime de la Bible. Ça veut dire, ah, vous ne pouvez pas savoir quel amour Dieu a pour nous. Mais maintenant, je veux que vous considérez ceci. Considérez que des gens ont vécu, eu des problèmes, mourir sans avoir la grâce de connaître la vérité. Oui, considérez oui. ça. Ah, oui, oui. Considérez. C'est déjà la grâce d'avoir, d'être dans la vérité. Considérez un peu cela. Considérez un peu qu'avant que l'évangile vienne ici dans notre continent, au continent africain, nos grands-parents vivaient dans les ténèbres. Ils sont tous morts. Il y a eu la traite négrière, l'esclavage. Petit à petit, l'évangile a fait son chemin jusqu'à nous. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Aujourd'hui, on insulte ce grand Dieu-là. On dit qu'il a maudit le continent africain. Les Africains sont maudits. On l'insulte plutôt. Pourtant, c'est le peuple qui est assis dans les ténèbres pour voir qu'il voit une grande lumière. Avançons. C'est quand même terrible. Verset 1 encore. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Donc Dieu veut dire, malgré qu'il y ait l'angoisse dans ta vie, malgré qu'il y ait n'importe quoi, sache que ce n'est pas pour toujours. Vous voyez? Il dit, si les temps passés ont couvert l'ombre, couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays des Neufs. Nous sommes au verset 1 du chapitre 9 d'Ésaïe. Bon, on va prendre comme ça. Ok, il y a un décalage chez toi. Oui, non, il y a un décalage. Donc, prends à partir du verset 23 si je descends. Oui, moi aussi. Oui, il y a un décalage, oui. Je m'excuse. Donc, dans votre Bible, s'il y a un décalage, ça veut dire que ça, nous sommes toujours au chapitre 8, verset 23. Donc, ici, là, c'est décalé. Oui. Dans les smartphones sont décalés. Voilà. Il dit, on y va. Si les temps passés ont couvert de propre le pays des Zabulon et le pays des Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà de Judée, le territoire des gentils. Vous voyez comment Dieu prophétise? Il est sur le temps passé. Dans le temps passé, Satan a été couvert de l'ombre, de ses ténèbres. Ne t'inquiète pas, dans l'avenir, voici ce qui se passe. Mais le vrai problème, c'est que certaines personnes sont tellement repliées sur eux-mêmes, ont tellement été habituées à ces problèmes, au point où, même si Jésus dit que tu es guéri, il va commencer à dire que non. Mon cas n'est plus possible. Que tu as vu qui dans mon situation, qui s'en est sorti. Et Satan vient donc même pour t'écrire. Mais il dit que ce pays-là, le territoire-là, la contrée voisine de la mer et au-delà du Judée, ce pays, le territoire des gentils-là, seront couverts de la gloire. Maintenant, regardez, verset suivant. Le peuple qui marchait haut. Dans les ténèbres. Dans haut. Dans les ténèbres. Voit quoi? Une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Mais c'est quand même terrible. Comment un pays, un peuple peut habiter le pays de l'ombre de la mort? Donc les gens vivent avec la mort sans s'en rendre compte. Juste ce que quelque chose vient leur révéler que vous êtes en danger. Or, ce sont un peuple qui vit en territoire, en bordure des mers. Lorsque Jean-Baptiste a été décapité, le Seigneur Jésus-Christ est allé dans ce territoire. On dit, afin que ça accomplisse ce que le prophète avait dit, ce territoire-là qui était en bordure des mers voit une grande lumière. Pas qu'on a allumé une ampoule. Non. Donc, la vérité, la lumière se trouve là en personne pour manifester les œuvres des ténèbres. Ils pouvaient faire n'importe quoi. On dit, non, pour aller pêcher, il faut jeter le sacrifice dans l'eau. C'est normal. Et au fur et à mesure, comme ça, on dit, c'est nos coutumes. Ce sont nos traditions. Nous allons, quand il y a un problème, tu veux voyager, pour qu'on ne te bloque pas à l'aéroport, va te laver au village. Plusieurs personnes sont comme ça. D'autres partent comme ça pour avoir le papier, couche avec le marabout. Tu pars, tu réussis véritablement. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend au bout. Un de ceux qui dit, Seigneur, je te donne ma vie comme mon Seigneur Sauveur. Tu crois que ça... C'est là où Satan te dit, ok, tu partais, ou tu as signé un contrat avec moi, tu veux aller où? Il te fait tourner en rond. Chanter, j'ai la joie dans mon cœur. Jésus est la source de joie. Jésus est vraiment la source de joie. Mais est-ce que c'est vrai pour toi? Si ce n'est pas ça, ce n'est pas réel. Fais-moi la Bible. Qui a besoin de délivrance? Qui a besoin de délivrance? Alors, la Bible déclare que le jour-là, quand Jésus, notre Seigneur, est entré dans la synagogue, on lui a donné le rouleau, il a ouvert Isaïe, il a trouvé l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. À l'Éternel, ah Seigneur, j'aime ta parole. Il dit que l'Éternel a quoi pour faire tes choses, pour délivrer les captifs, pour envoyer libres les opprimés. Sans cette onction de Dieu, tout ce qu'on fait là, c'est le chemin. Ainsi, les personnes ont inventé des styles de prière. Que si tu lis ici, tu pries à haute voix, ça doit changer. Ça ne se passe pas comme ça. Le Saint-Esprit doit confronter l'esprit qui est à l'intérieur. C'est l'esprit qui est à l'intérieur qui est le problème. Les gens ne comprennent pas ce principe de la délivrance. Parce que délivrer, ça veut dire que tu as une chaîne qui t'attache quelque part. C'est ce que Jésus nous a montré. Cette femme-ci, qui était coupée depuis 18 ans, Donne-lui n'importe quel, donne-lui le chemin à Israël. Adonai et Kenéou et Stené et Had. Ça ne changera rien. Qui est dans la synagogue. Dans la synagogue, pardon, lisez cela. Ça ne changera rien. Donne-lui la prière que par fire, par force, ma délivrance vient. Donne-lui qui dit que je suis en haut de la fasse des combats. Ils appellent ça combat fort, fort. Tout ce que tu peux faire, c'est exciter le muscle pour que la sueur coule. Et que tu aies un bon sommeil, un peu fatigué là, tu dors. C'est pas comme ça que ça se passe. Lorsque vous observez que j'ai besoin de délivrance, la prochaine question c'est comment être délivré selon la Bible. La seule et unique façon c'est Dieu a disposé des gens pour cela. Il n'y a pas de deux façons. Il n'y a pas de livre à dire que en lisant ceci, c'est le délivré. C'est pas comme ça. Tu lis la Bible à haute voix. Oh Seigneur Jésus, délivre-moi de mes ennemis. Oh, je me couche, je m'endors quand le terrain est mon grand. Crime-toi à mon côté, dis-moi à ma droite. Ils ne sont pas à ton côté ni à ta droite, ils sont en toi. Donc si vous tombez à droite, vous tombez ensemble. Alors ça, il faut que quelqu'un vienne dire au nom de Jésus que je te commande de sortir de lui. Et c'est tout. C'est tout ce qui doit se passer. Qui a besoin de délivrance? Moi, mon frère. Alors je suis venu pour que ces choses-là cessent. Ah, c'est. Mais j'ai rêvé cette nuit que la maison est balayée. Après, j'ai dit à mon fils que c'est bon. Que la maison est balayée. Oui. J'avais nettoyé la nuit. Parce qu'on l'attendait. J'ai dit, bon, il faut que je leur prépare la chambre la nuit. Mm-hmm. Je rêve que la maison est balayée. Que la maison est balayée. Il y avait un tas d'ordures que. Qui s'y sont. Comment vous me regardez, vous, votre frère? Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette maison-ci. D'accord? Les choses vont changer. Qui a besoin de délivrance? Moi, mon frère. Nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de délivrance. Nous partons demain à quelle heure à Genève? Alors, je souhaite qu'on parte vers 13h. Ok. C'est bon, donc on peut prier tranquillement avant de partir. Oui, oui. C'est ça, non? Maintenant, cette parole, ou bien on va à Genève ensemble. C'est l'enfant. C'est ça le problème. Donc, la maison sera balayée, d'accord? Lorsque vous lisez la Bible maintenant, comme ça, en voyant toutes ces choses, en écoutant ces choses, vous voyez que on a une fausse christianité, on a un faux christianisme présenté aujourd'hui. Le christianisme de la confession. Je suis le roi. Je suis. Tu ne peux pas confesser. La poule, même si elle chante chaque fois qu'elle est canard, elle n'est pas canard. En fait, même si elle chante, elle a le droit de chanter parce que sa voix lui est donnée, la bouche lui est donnée. Mais il y aura une confrontation au niveau de la traversée du cours d'eau. C'est-à-dire que là où la vraie confession se passe physiquement, où il faut traverser le cours d'eau, il va confirmer que en dehors d'avoir la forme extérieure d'un oiseau qui ressemble au canard, il faut ce qu'on appelle les palmes. C'est ça qui servira d'entrer là-bas. Donc, en dehors de s'habiller avec la forme extérieure du christianisme, qu'on est propre avec la Bible extérieure, il faut quelque chose de différent à l'intérieur. On appelle ça le Saint-Esprit. Il faut avoir ça à l'intérieur. S'il n'y a pas ça, confesse ce que tu confesses. Ça t'attend au tournant. C'est au tournant de la difficulté où on fait face au monde de ténèbres. Tu vas savoir effectivement que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissances ténébreuses. Alors, on a amener la psychologie dans le corps du Christ. Amener les gens à la pensée positive. Amener, pousser les gens en disant que peut-être si ta vie ne résiste pas parce que tu penses toujours négativement. Job n'a jamais pensé négativement pour que les calamités lui arrivent. Il faisait toujours ce qui est droit. Il faisait tout ce qui est droit. Il vivait de façon droite. Il ne méprisait pas quelqu'un parce qu'il a de l'argent. Il n'amenait pas en justice. Il ne regardait pas les femmes d'autrui. Et c'est vrai. Et on utilise souvent un verset biblique de Job là. Oui. Ce que tu crées. Ce que j'ai cru, c'est ce qui m'arrive. Tu vois. L'apôtre Paul n'a jamais voulu être. Il ne pensait pas. Il était rigoureux dans la doctrine. Il était quand même dans les ténèbres. Oui. Vous regardez la Bible, vous voyez, voir. Moïse dit que non, qui suis-je? Je ne vais pas descendre même en Égypte. Jérémie dit, je ne vais même pas être prophète. C'est toi que j'ai choisi. Alors. La confession positive n'amène pas la délivrance. Confesser positivement, avoir les pensées positives, lis tous les Norman Vincent Peale, les célèbres, la pensée positive n'amèneront jamais la délivrance. ça va t'amener à un niveau de nous où tu vas croire que ceci est, tu es délivré. Ça veut dire que tu as de l'ignorer que le démon est là. Et c'est justement tu joues les jeux. Parce que tant qu'il est là, il n'y a pas de problème. Tu es au maximum 60 ans sur la terre. Lui, il est là depuis plus de 6000 ans. Donc si tu finis, il finit avec toi, il continue sur son œuvre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les expulser. Il est temps pour regarder droit devant. Pour dire, Seigneur, je suis prêt à affronter la réalité. La réalité, c'est que la Bible que je lis là n'est pas vraie pour moi. C'est voilà la vraie confession. Parce que la Bible déclare, nous marchons par la foi, non par la vie. Si tu dis, si la Bible déclare que tu es sauvé, et que tu veux que je ne sois pas sauvé, dis Seigneur, tu dis que tu es sauvé, mais moi je ne suis pas sauvé. Il faut que je sois sauvé. C'est la vraie confession là-bas. Parce que tu as dit la vérité. Ça sert à quoi de porter la veste en disant que je suis un homme de Dieu et que Dieu ne te connaît pas. Et tu chantes que tu es sauvé. Que tu es sauvé. Ça ne marche pas. Donc quand tu as un problème, quand ça ne va pas, dis Seigneur, ça ne va pas. Quand le Seigneur s'est présenté là-bas dans l'île des Juges, au chapitre 7, chapitre 6, quand il s'est présenté à Gédéon, il était là, alors que Gédéon était allé frapper le froment pour aller les cacher aux yeux des Philistins. Il a dit, vaillant héros, tu es vraiment fort, mon gars. Tu as les muscles pour frapper les gars ici. Va avec la force que tu as. Va, délivre Israël. Hein, moi qui? Moi aussi. Moi. Qui? Je suis qui ici, Gédéon? Ma famille est qui? Le plus petit même des hommes. Tu vois, il dit, je suis qui? Je suis qui? Je suis rien. Mais Dieu dit que, malgré que tu dis ça, tu es quelque chose. Tu vas aller délivrer. Alors, c'est pour dire que la confession, la non-confession, ou bien confesser ce qui est mauvais et ce qui est vrai, n'est pas quelque chose qui est mauvais. Il n'est nulle part dit ici quelque chose que si tu confesses, tu vas posséder la chose alors que c'est négatif. Non, non, ça ne se trouve pas dans la Bible comme ça. On t'amène vraiment à la pensée positive. Hein? Pensée positive, c'est démoniaque. Ça te permet d'oublier. Il y a d'autres encore qui disent, non, ne vous inquiétez pas du démon. Jésus a réglé le problème des démons. Jésus a réglé le problème des démons. Il a aussi réglé le problème de Satan. Mais Satan continue à tuer les gens. Parce que la Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement livrés en spectacle, triomphant d'elles par la croix. C'est ça, frère. La Bible dit, dans ce livre de Colossiens, qu'il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est ce que Jésus a fait. Après, si Jésus l'avait dit à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Pierre, comme on a lu là, que va vers ce peuple, je suis apparu pour que tu parles les délivrer. Pourtant, il est mort, ressuscité, rentré au ciel. Et on dit qu'il les a dépouillés. Il dit pour qu'il passe de la puissance de Satan. Il dit malgré qu'il les a dépouillés. On dit que la Satan, ça va les délivrer de la puissance de Satan. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Jean maintenant dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, il dit nous savons que nous sommes des dieux et que le monde actuel est sous la puissance des ténèbres. Alors notre église maintenant, d'autres personnes maintenant dit que non. Si vous connaissez, en mettant la main dans la poche, vous connaissez, vous avez la révélation de qui vous êtes. Vous avez un sacerdoce royal. C'est pas aujourd'hui qu'on a un sacerdoce royal. C'est écrit depuis. Confesse là, ça ne fait pas de sacerdoce royal. Tu finis, les démons règnent, les mondains règnent, toi tu vis toujours dans les ténèbres. Tu as vu un jubilé qui a confessé quelque part les bêtises qu'il a expliqué sa saison royale. N'est-ce pas, il marche, c'est le chrétien qui coupe à lui demander de travailler dans son entreprise. Alors, le pasteur, ce qu'il peut faire, c'est faire ces choses à vous tromper pour vendre leur livre, pour avoir votre argent et venir vous lorgner qu'il est béni. Qui vit la vie de la foi et soit béni, on voit. Ils utilisent des marketing. Ils ont le système marketing où ils ont des bibliothèques où ils vendent des livres. Il y a un livre, il y a un thème que j'ai écrit là-dessus sur le mariage. Comment développer un bon mariage, une intimité. Lui-même, il est divorcé, il est remarié. Comment avoir une intimité avec Dieu, Dieu ne le connaît pas. Comment avoir le Saint-Esprit. Il fait comme ça, il joue la musique derrière avec le pouvoir des vaudous. La Bible déclare par cupidité. Par cupidité. Il flattera, il tournera de vous au moyen des paroles trompeuses. Il vous promet de la liberté alors qu'eux-mêmes, ils sont captifs. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il promet de la liberté. Vous lisez ces bibles-ci, vous serez libre. Alors qu'il allait signer un pacte avec le diable. Et toi, tu cours derrière lui, ta vie ne change pas. Tu cours, ça ne change pas. Alors, il est temps que chacun rejette toutes ces choses-là et prenne la Bible et mette Dieu au défi. Parce que la Bible déclare que les paroles de l'Éternel sont éprouvées. Ce n'est que la parole que vous devez avoir. Tu as la parole de Dieu, c'est suffisant. Il dit, n'ai-je pas déjà mis pour écrit pour toi les paroles vraies. C'est écrit. Des réflexions afin que tu saches comment répondre. Garde-les dedans de ton cœur, car celui qui trouve cela, c'est la joie, c'est la vie pour son âme. Alors on lit la Bible comme ça. On dit ouais, c'est fatigant. La publicité de l'homme présente un grand docteur untel. C'est lui qu'on va écouter. Un grand docteur untel. Il monte une publicité, waouh, le miracle. On dit non, c'est lui. Vous venez de quitter la voie. La voie, c'est ici. toute parole de l'écriture, toute écriture est expirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger. On dit c'est ça, pas celui-là. Mais si celui-là, Satan l'utilise, il t'a dévié de la route. Mm-hmm. Quand le Seigneur Jésus est venu, il n'a pas cité un grand docteur, il a dit, il est écrit. Dans Luc chapitre 10, verset 30 à 35, on a posé la question, maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis? Il dit, le docteur lui a demandé, il lui a dit, si tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, vas-y, fais-le et tu vivras. Donc Jésus lui dit, rentre dans les Écritures. Mm-hmm. L'Apocalypse chapitre 1, verset 3, il dit que heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent les paroles de ces livres. Il n'a pas dit heureux ceux qui écoutent un grand docteur. Si un grand docteur est éloquent n'importe comment, fait n'importe comment, il ne doit pas t'éloigner de la Bible. Mm-hmm. Et le paradoxe, c'est que ceux qui écrivaient ces livres, c'est parce que c'est 66 livres. Isaïe n'a jamais vendu son livre. Paul n'a jamais vendu son livre. Mais les docteurs modernes, chaque mois, sortent des livres qui sont contre celui-ci. Vendent les chrétiens, laissent ce qui est gratuit. Dont la vie est dedans. Achète ce qui donne la mort. Dépense. Vous voyez que c'est un esprit qui est derrière. Qu'est-ce qu'on cherche? On veut que sa situation change là. Restons au pied du Seigneur Jésus. Nous qui avons besoin de la délivrance. Il le fera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et je suis content d'être ici. Ah. La maison est balayée. Yeah. D'accord? Remercions le Seigneur donc. Tendre Père, nous te remercions pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Dans cette maison particulièrement. Merci pour ta parole. Merci pour cette nourriture. Merci pour tous ceux au Dieu de gloire de la Suisse que tu vas visiter. Et pour tous ceux qui sont dans le monde entier, Père de gloire, que tu vas visiter. Merci, Père, de nous donner de considérer vraiment ces choses, que nous avons besoin de délivrance, de ta délivrance réelle. Qu'elle soit vraie pour nous, pas non seulement la confession que nous faisons aujourd'hui avec nos lèvres et que ce n'est pas vrai dans nos cœurs. Je prie, Père, que ces paroles te dirigent dans le cœur de tes enfants et que tu leur donnes de comprendre que tu es vrai, il n'y a point en toi de ténèbres, qu'on ne peut pas te manipuler et qu'on ne vient pas à toi avec de l'argent. Qu'on n'achète pas de l'onction de toi, on n'achète pas, Père de gloire, des grâces de toi. Mais tu donnes à qui, ô Dieu de gloire, te plaît, car tu fais toutes choses selon le conseil de ta volonté. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu regardes, ô Dieu, le cri de tes enfants et que tu les délivres de ces situations. Donne des révélations à tes enfants, Père de gloire, qu'ils ont besoin de toi et que tu es la lumière. Et que sans toi, Père, ils sont sous la puissance de Satan dans les ténèbres. Et que confessant les versets bibliques ne change rien à leur situation. Acheter des choses spirituelles, Père de gloire, dites onctionnées, ne résoudront pas les problèmes. Car il s'agit d'un combat d'ordre spirituel. Il faut qu'on être confronté avec le Saint-Esprit. Donne-le au Dieu de gloire de comprendre la nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit en cette époque des ténèbres. Donne-le au Dieu de gloire qu'il soit loin de ton nom, le nom puissant, le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Père, à quiconque réclame la délivrance en nous écoutant, je prie, Père, que tu leur accordes la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, avec ces choses que vous avez en haut, allez dormir. Y a-t-il des questions? On peut commencer, n'est-ce pas? Donc, tu vois, tu as de ton côté, le grand travail a été bien fait. Le grand travail a été bien fait. Nous sommes, c'est la continuation de notre méditation sur la délivrance, n'est-ce pas? Mm-hmm. Qui a besoin d'être délivré? Waouh! Moi. qui a besoin d'être délivré? Ça veut dire que. La Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mm-hmm. Maintenant, on va voir ce que Dieu a à faire. S'il y a n'importe quoi pour toi, étant de prier pour toi dans la nuit, je ne veux pas dire ce qu'il en est jusqu'à ce qu'on finisse de prier. D'accord. Mm-hmm. Je ne veux pas dire quoi que ce soit. Mais la maison est balayée. Donc, ça veut dire, en fait, Dieu te révèle effectivement avec cette maison et balayée. C'est pour dire qu'il a arrêté le nettoyage. Voilà. C'est le nettoyage. C'est la personne qui a arrêté dans le spirituel. Il a la fait ce qu'il l'a accompli. Qu'est-ce qu'il y a comme histoire de téléphone aussi? On va prier d'abord. Mm-hmm. Restons juste calme. C'est moi qui prie. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Nous voici au devant de toi. Merci pour cette maison qui nous accueille ici en Suisse. Merci, Père de gloire, pour le nettoyage que toi-même tu as montré dans cette maison. Je prie maintenant, Père de gloire, qu'à notre sortie de cette maison, que la maison soit nettoyée totalement, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, et que tout ce qui était désordonné, Père de gloire, que toi-même tu mettes en ordre au nom de Jésus que c'est Nazareth. Père, ta main droite est puissante, ta droite est glorieuse. Seigneur, notre sœur a fait toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Jusqu'à arriver au niveau où elle ne sait plus dans quelle direction prendre. Mais tu es le Dieu qui répond aux prières. Seigneur, je te la soumets maintenant. Afin qu'elle sache que tu es vivant. Et que tu réponds aux prières. Et instantanément. Que ton nom se soit élevé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes entre ses mains. Père, entre vous. Tout esprit qui cause blocage dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça sorte maintenant. Ça te lâche maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute puissance qui cause blocage dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu lâches maintenant. Quelle que soit la provenance, quelle que soit la source, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui dérange notre sœur et dans le songe et dans sa vie physique. Au nom de Jésus qui crée blocage dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces chaînes maintenant tombent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que son être soit balayé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton corps appartient au Seigneur Jésus. Ton cœur appartient au Seigneur Jésus. Ton sang appartient au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance des ténèbres qui régnait dans sa vie et qui tenait sa vie dans la famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es chassé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Quitte son corps et quitte la vie de mon frère. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour lui. Merci pour, Dieu, le niveau où tu l'as amené. Merci pour la restauration de sa vie. Merci pour la restauration de la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Son corps ne t'appartient pas. Son corps ne t'appartient pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance des ténèbres. Qui règne dans la vie de notre sœur, je t'ordonne maintenant de la lâcher. Ça n'est assez dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle appartient au Seigneur Jésus-Christ. Je t'ordonne de la lâcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne manipuleras plus sa vie. Tu ne manipuleras plus son corps. Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps maintenant. Quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne t'appartient pas, tu ne resteras plus dans son corps. Le Seigneur nous a envoyé pour te balayer hors de sa vie. Quelle que soit ton action, quel que soit ce que tu as fait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça soit annulé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-la maintenant. Elle ne t'appartient pas, elle ne t'appartiendra jamais. Au nom de Jésus-Christ, sors! Sors! Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous tes poisons que tu as mis dans son système, je te commande que ça soit balayé maintenant. Que ça soit balayé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, son corps appartient au Seigneur Jésus. Pas votre temple, pas votre habitation. Sa vie appartient au Seigneur Jésus, pas votre habitation. Que la lumière soit dans sa vie, dans son corps maintenant. Et que tout lien avec les ténèbres soit brisé. Que tout lien avec les ténèbres soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne vous appartient pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu la touches maintenant. Merci parce que tu la touches maintenant. De la plante de tes pieds jusqu'à ta tête, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le balayage soit fait. Que le balayage soit fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le balayage soit fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le balayage soit fait. Dans ton ventre, dans ton âme, dans ton sang, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout blocage, toute puissance des ténèbres, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je viens contre vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Lâche-le maintenant. Son corps appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De la plante des pieds jusqu'à la tête. Toute puissance négative dans ton corps, je commande la destruction maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre corps appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sors maintenant. Sors. Son système appartient au Seigneur Jésus. Lâche son corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je marche devant de vous. Je marche contre vous avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le maintenant. Quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps maintenant. Puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Je t'ordonne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches son corps. Lâche son corps. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister et rester dans ce corps. La puissance de Dieu est contre toi. Le nom de Jésus-Christ est contre toi maintenant. Maintenant. Tu lâches prise maintenant. Lâche maintenant, sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors maintenant! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! Lâche-le maintenant! Lâche son corps! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Lâche maintenant! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sors de son ventre! Sors! Vomis-moi tout ce qui t'amène à son ventre. Même Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors tout, tout. Tu ne bloqueras plus sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth, sors tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu quittes son corps maintenant. Tu quittes son corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le maintenant. Sors tous tes poisons. Sors tous tes poisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tous tes poisons. Je te commande hors de son corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que tu utilisais pour bloquer sa vie, maintenant ça tombe. Toutes tes exactions que tu as faites dans les ténèbres avec son nom, avec sa photo, avec tout ce qui lui appartient, c'est brisé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Toi, lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Elle n'est pas ta femme. Elle n'est pas ta femme. Elle ne te servira point. Toi, sors. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Tout poison, tout système. Tout ce que tu as mis dans son système. Au nom de Jésus de Nazareth, je t'ordonne de lâcher maintenant. Sors! Je viens contre vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois libérer les enfants du Seigneur. Ils vont servir le Seigneur en esprit et en vérité. Maintenant, sors! Sors! Sors! Sors son corps et le temple du Saint-Esprit. Pas ton temple. Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Son corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Pas ton corps. Lâche-le. Puissance des ténèbres. Elle ne t'appartient pas. Elle n'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Tu vomis tout ce que tu mets dans son ventre. Tu vomis tout ce que tu as mis dans son ventre. Ces nuits doivent être dociles à partir de maintenant. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Le Seigneur m'a envoyé pour les délivrer. Tu ne resteras pas dans le corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande de sortir. Je vous commande de sortir. Je vous commande de sortir. Je vous commande de sortir tout ce que vous avez fait dans les ténèbres, avec leur nom, avec leur corps, avec tout ce qui leur appartient. Je commande maintenant que ça soit brûlé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel qu'en soit l'endroit où ton nom a été mentionné, tout ce qui a été fait avec ton nom, avec ta photo, avec tout ce qui t'appartient, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est annulé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de son ventre. Sors de son ventre. Ça, c'est le poison, ça. Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Lâche-le maintenant. Lâche-le maintenant. Lâche-le maintenant. Lâche-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je soumets tout ton corps sous sa puissance. Tout ton corps sous sa puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi aussi quitte son système. Quitte son système. Quitte son système. Lâche-le. Lâche maintenant. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Tu lâches son corps. Il a assez souffert. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout blocage, toutes ces activités que tu avais bloquées, c'est ouvert maintenant au nom de Jésus. Amen. Oui. Tout cadenas que tu avais utilisé, toute chaîne que tu avais utilisée pour les tenir, pour tenir les enfants du Seigneur entre tes mains, je les brise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je soumets tout ton corps sous sa puissance maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth, tout ton corps, de la plante de plus que la tête, tout ton corps, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Toi, puissance qui vient à la fête devenu homme, tu ne l'utiliseras plus jamais. Tu ne l'utiliseras plus jamais. Ainsi parle le Seigneur, tu quittes sa vie maintenant. Tu quittes sa vie maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus Nazareth. Le peuple de Dieu sera libre. Vous ne les utiliserez plus jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Satan, sors et lâche son corps. Sors et lâche son corps maintenant. Lâche son corps. Tout ton corps. Tout ton corps. Tout ton corps. Appartient au Seigneur Jésus. Appartient au Seigneur Jésus. Appartient au Seigneur Jésus. Appartient au Seigneur Jésus. À partir du Seigneur Jésus, tout tes poisons, tout ce que tu as mis dans son système, je commande maintenant les destructions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Ton nom est grand et puissant. Ton nom est glorieux. Par l'autorité que tu m'as donnée dans ton nom, je commande à tout esprit qui règne dans la vie de ses enfants et qui venait des ténèbres, de quitter maintenant. De quitter maintenant. Tu as assez duré dans sa vie. Tu l'as bloqué, tu l'as manipulé. Je t'ordonne maintenant de quitter maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Tu as assez manipulé sa vie comme ça. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Tu ne manipuleras plus sa vie. Tu ne manipuleras plus leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes sa vie maintenant. Tu quittes sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte sa vie maintenant. Toi qui empêchais la prière de cette femme. Toi qui empêchais sa prière. Au nom de Jésus-Christ, sors. Toi, puissance des ténèbres. Toi, puissance des ténèbres. Toi, puissance des ténèbres. Tu as décidé que celui qui n'a pas réussi, qui va tourner en rond jusqu'à ce qu'il va souffrir. Il va souffrir jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est parce que le Seigneur a déclaré. Le Seigneur a déclaré qu'il prospérera. Que si sa tête se trouve de bénédiction, je te commande de lâcher sa vie maintenant. Lâche sa vie. Lâche sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Lâche les enfants du Seigneur. Puissance des ténèbres, quel que soit ton nom. Tout puissant des ténèbres. Qui régnait dans ta vie, dans ton corps, dans tes activités, qui t'empêchait de dormir, maintenant a lieu le jugement. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Son corps sera totalement libéré aujourd'hui. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors maintenant, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche-le, sors, toutes tes substances, tous tes poisons, poisons nocturnes, tout ce que tu lui as donné dans le songe, dans le... Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça sorte maintenant. Sors! vomi tout. Tout. Maintenant, ce sont au nom de Jésus Nazareth. Dehors. Au nom de Jésus Nazareth. Dehors. Tu lâches. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Les enfants du Seigneur ont assez souffert comme ça. Ils ne t'appartiennent pas. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Son corps appartient au Seigneur Jésus. Son corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Pas votre habitation. Tout système de manipulation. Tout système de ténèbres que vous avez mis en place dans sa vie pour le rendre ténèbre. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ainsi parle le Seigneur, que la lumière soit dans vos vies maintenant. Que la lumière soit dans vos vies maintenant. Que la lumière soit maintenant dans ton corps. Et que les ténèbres disparaissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui était des ténèbres soit balayé hors de ta maison, hors de ce temple, qui est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton corps appartient au Seigneur Jésus. Lâche-le maintenant. Lâche-le maintenant. Toi, puissant des ténèbres, lâche-le et n'y rentre plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Lâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de son système. Tout ce que tu as mis dans ton système. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton corps, tout ton corps, il soumet tout votre corps sous la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est dans ton corps qui n'est pas de Dieu, je commande que ça sorte maintenant. Tout ce qui est dans ton corps, que le Seigneur n'a pas donné naissance. Que ça sorte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils dormiront maintenant en paix. Ils dormiront maintenant dans les bras du Seigneur. Et ils serviront le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, de toutes leurs forces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, allez, allez, lâche-le. Lâche-le, lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Toi, tu es un animal. Toi, tu es un animal envoyé pour régner sur sa vie. Tu sors maintenant, tu sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, sors, sors, sors, sors, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le. Bon, si sors. Au nom de Jésus-Christ. Elle ne sera jamais l'homme comme tu as décidé. Elle ne sera jamais l'homme. Tu ne la poursuivras plus. Je t'ordonne de la lâcher maintenant. Je t'ordonne de la lâcher maintenant. Je t'ordonne de la lâcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Sors! Tous tes poisons que tu as mis dans son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous tes poisons que tu as mis dans son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.

Ces gens d'esprit sont les esprits qui le suivaient n'importe où il se trouve. Ça le suivait. Donc il peut être dans la maison, les esprits sont là. Vous quittez tout ce qui lui appartient. Quel qu'en soit ce qui va mettre la main dessus, et ce que vous avez mis votre main, votre empreinte dessus, c'est annulé aujourd'hui au nom de Jésus. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus, vous n'aurez plus d'emprise sur sa vie. Ainsi parle le Seigneur. Sors! Lâche-le maintenant! Lâche-le maintenant! Lâche-le maintenant! Celui-ci, notre esprit, c'est un papa, vieux papa qui l'a fait. Tu sors! Comment on t'appelle? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Celui-ci, c'est un vieux papa qui a fait ceci. Comment tu t'appelles? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu lâches la vie de ces garçons. Tu n'as plus détruit sa vie. Qui es-tu? Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors maintenant. Et tu rentres dans la forêt de tu es sorti. Sors! Sors! Sors! Sors! Allez, c'est pas que tu es parti. Allez, allez, allez, allez. Allez, allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, retourne. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Toi, vieil sorcier. Lâche-le. Il n'est pas ton fils. Qui t'a envoyé détruire sa vie? Sors! Tu ne dois pas détruire ni lui ni sa progéniture. Tu ne dois pas détruire, tu ne peux pas détruire Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, maintenant je te commande de sortir. Lâche sa vie, maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lâche sa vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu ne peux pas rester. Allez, pas. Pas! Il ne t'appartient pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as plus dominé dans sa vie. Allez, terminé. Sors. Il ne doit pas hériter de votre association. Sors, toi, esprit vieille personne. Lâche ta vie maintenant. Sors. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Son corps appartient au Seigneur. Son corps appartient au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, il marche contre toi avec le nom de Jésus. Tu lâches sa vie. Tu lâches sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta fin maintenant. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. Maintenant, allez. Allez. Allez. Il a assez souffert de ta présence. On t'a envoyé manipuler sa vie. Lâche-le maintenant. Lâche-le maintenant. Lâche-le. Lâche-le. Comment les sortir? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Terminé. Allez. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, mon frère, tu es libre. Jésus-Christ t'a libéré. Fais-le, viens. Viens, viens. C'est toi. Au nom de Jésus-Christ maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne contrôleras plus ses pensées. Tu ne contrôleras plus sa vie. Tu ne lui suggéreras plus les décisions. Son cœur sera sous l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ pour la guider là où il veut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche cette femme maintenant. Tu as assez détruit sa vie. Tu as assez détruit sa vie et créé tant de soucis dans sa vie. Maintenant, le Seigneur t'ordonne de quitter sa vie maintenant. Sors. Sors. Tu quittes son ventre. Son ventre n'est pas ton lieu d'habitation. Quitte son ventre. C'est terrible ça. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un esprit, c'est un esprit d'esprit qui, ça, quand ça dépend, c'est, tu n'es pas totalement inconscient. D'ailleurs, là, comme ça, sa pensée est exactement la pensée de l'homme. Mais l'esprit se trouve là-bas, caché dans son âme. Au point où, quand elle pense, c'est qu'elle le pense. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne manipuleras plus sa vie. Lâche-la. Lâche-la. Elle ne t'appartient pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Tu lâches la vie des enfants du Seigneur. Tu lâches la vie des enfants du Seigneur. Vous n'avez pas le droit d'habiter son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle servit, elle servira et servira toujours le Seigneur Jésus, qu'elle a toujours aimé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu quittes ses yeux. Tu quittes ses yeux maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle servira et servira toujours le Seigneur, qu'elle a toujours aimé. Ne le plus d'emprise sur sa vie. Toutes tes tentatives dans la nuit, dans les ténèbres, pour investir le camp de cette femme, si au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est annulé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets ma main sur la partie là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va mon frère? Ça va mon frère? Comment tu te sens? Je me sens bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute bien cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute bien cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute bien cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Toutes tes chaînes que tu avais mises dans sa vie pour le tenir à toi, pour la tenir à toi, je commande la destruction maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Lâche cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.